Que c'est? Sevran. J'ai le yas d'oseille à brasser. J'suis dans le futur, t'es dans le passé. Y'a les négros que j'vais chasser. J'ai les chaînes de chienne à casser. Tous les jours dans le Banks. Tous les jours dans le Banks. Tous les jours dans le Banks. Tous les jours dans le Banks. J'ai les yas d'oseille à brasser. J'suis dans le futur, t'es dans le passé. J'écoute tes couplets, ta zik. Trop débarque, trop débarque. J't'apporte des gobelets en plastique pour ton pot de départ. Ne crois pas que j'éprouve de la douleur quand je me recueille. Je me demande juste quelle serait la bonne couleur pour ton cercueil. Y'a pas de trêve, je ne signe pas la convention de Genève. J'lève mon glaive, ouvre ta gueule, j'te fais un bec de lièvre. Pas là pour m'amuser, j'ai faim. J'vais faire des douilles comme au G20. Même si je perds, j'aurais pas assez de cire pour faire mes couilles au musée Grévin. J'suis dans l'auto, négro, je suis sur la moto. Négro, semi-auto, je leur taille un Starco, Yamamoto. Négro, au micro, j'suis venu pour voir dans la machine que des violets. Rafale de Bruno sur le comico, au menu c'est un tagine au poulet. J'ai vu mon sang rouge sur la jolie fleur blanche du coton. C'est pour ça que ma grosse queue fracasse les parois de leur colon. Persona non grata, j'vais faire des pépettes pour Aminata. 9-3 Mara, Salvatrucha, j'explose la tête comme une piñata. J'ai les yas d'oseille à brasser. J'suis dans le futur, t'es dans le passé. Y'a les négros que j'vais chasser. J'ai les chaînes de chienne à casser. La vie n'est qu'une tasse B avec un gros cul, j'espère tu la montes au moins. Nous, on a les mêmes tarpés que les lardus, mais avec la honte en moi. Ça joue les durs et les racailles de la thèse, pourtant ça donne des places. J'graille tellement d'MC indigestes que ça me donne des gaz. Calibre 38, très spécial pour la presse et ses conférences. J'crois que le canon et le trou de tes fesses ont la même circonférence. 2-7-2-7-4-1-124, voilà la filiation. La République nous a trompés, donc nous on va la tuer par lapidation. C'est comme ça que j'appelle ton gros cul, y'aura pas de dîner avec bougie. Le soldat et le char sont tout terrain grâce aux chenilles. La rue a dû se vie, elle bouche ses reins. Je la regarde pantalon sur les chevilles. J'suis venu pour faire de la monnaie. Il n'y a pas de montagne, il y a des sommets. C'est nous qu'on va ramasser l'argent dorénavant et désormais. 7 billets comme 7 cieux, on se rapproche tous du feu. Avec un plein de senseux à ce petit jeu, les morts sont les plus chanceux. J'ai les yas d'oseille à brasser. J'suis dans le futur, t'es dans le passé. Y'a les négros que j'vais chasser. J'ai les chaînes de chienne à casser.